Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Deuxième épisode, la mort de Durruti. Toujours avec un décalage chronologique, Jiménez nous raconte ici la suite et la fin de la bataille de Sietamo. De retour à Pina, il apprend avec retard l'entrée des ministres anarchistes au gouvernement central et la mort de Durruti à Madrid. La capitale, jugée perdue, est abandonnée par le personnel politique. Elle va néanmoins résister et Franco échouera dans son projet d'en finir rapidement avec la guerre. Les circonstances de la mort de Durruti sont obscures. Il est arrivé à Madrid le 14 novembre avec une partie de sa colonne, totalisant 1400 hommes. Le 16, il rejoignent les brigades internationales, déjà engagées sur le front. Les jours suivants se passent en terribles combats à la cité universitaire où les hommes de Durruti ne sont pas relevés. Le 18, ils sont décimés et il ne reste plus que 400 combattants. Durruti se rend dans la zone de combat dans une voiture avec Manzana, le technico-militaire de sa colonne, et plusieurs autres miliciens. Dans des circonstances décrites différemment selon les témoignages, Durruti reçoit une balle et meurt le lendemain à l'hôpital. La thèse officielle anarchiste, s'appuyant sur le témoignage de Manzana, dit qu'il a été tué par l'ennemi sur le front, alors que l'on sait que la balle mortelle a été tirée à moins de 50 cm. Plus tard, dans les années 1970, se feront face la thèse de l'accident provoqué par Durruti lui-même, qui est devenue la seconde thèse officielle du mouvement libertaire, et celle de la mort donnée, intentionnellement ou non, par Manzana. Ricardo Sanz est désigné le 20 novembre par la CNT pour prendre la succession de Durruti à Madrid, et surtout pour empêcher que les miliciens survivants, écœurés et désespérés, ne désertent leur poste. En Aragon, le reste de la colonne est en pleine effervescence. La plupart des combattants est persuadé que Durruti a été tué par les communistes et veut le venger. Rôdait autour de nous, toujours présente. Parfois, un des nôtres tombait, victime de son imprudence ou de son envie d'en finir avec la vie. Oui, au moins un de ceux qui sont morts à Sietamo s'est fait tuer volontairement. Je ne me souviens plus comment il se faisait appeler. Il avait environ 60 ans. Arrivé au groupe depuis peu, il ne parlait à personne, se tenait toujours à l'écart. Un jour, en allant prendre la garde, au lieu de suivre la haie en rampant, celle qui nous cachait au regard des guetteurs, il traversa le pré en diagonale. Il reçut une balle en pleine tête. Des papiers et des coupures de journaux nous apprirent qu'il était recherché par la police, pour tout autre chose que la lutte sociale. Avec deux complices, il avait tué deux rentiers au cours d'une agression. Cette découverte ne nous surprit pas. Nous savions que beaucoup d'entre nous avaient eu maille à partir avec la police, pour d'autres raisons que la lutte sociale, mais du moment qu'ils respectaient les règles que nous nous étions imposées, nous ne leur faisions aucun grief. J'ai dit qu'il avait cherché la mort. C'est vrai. Car traverser le pré, tout le monde le savait, signifiait servir de cible au meilleur tireur d'en face. Une nuit, nous décidâmes d'attaquer. Nous avions repéré une porte qui paraissait n'abriter aucun tireur. Il y avait bien un peu plus loin à droite et à gauche des mitrailleuses aux fenêtres les plus proches, c'est-à-dire à environ 6 ou 7 mètres de chaque côté. Mais jamais aucun coup de feu n'avait été tiré de cet endroit. C'était peut-être un piège. Tant pis, on verrait bien. Nous avions décidé de traverser la route à plat ventre pour donner moins de chance aux guetteurs de nous apercevoir. Car s'il n'y avait pas de lune, la blanche clarté qui tombe des étoiles pouvait très bien nous trahir. Afinengi devait traverser le premier. Étant le plus costaud de nous tous, il pouvait faire sauter la serrure plus facilement. Têtu comme une mule, il voulut traverser en bondissant à travers la route. Il se dressa sur le talus et tomba avec une balle dans la cuisse. Le sort m'avait désigné pour partir après lui. Le Savoyard ayant échoué, c'était à moi de tenter ma chance. Traverser une route, ce n'est pas la mer à boire. Pourtant, ces 3 mètres qui me séparaient de mon but me parurent infranchissables. J'ai commencé ma reptation collée au sol. Les mâchoires serrées pour empêcher mes dents de claquer. Le fer de pioche passé dans ma ceinture, pesant comme une masse de plomb sur mes reins, avec dans ma tête une seule pensée. Lorsque tu entendras la détonation, la balle sera loin. Le bout de mes doigts touchèrent le mur. Les détonations éclatèrent de partout. Ils m'ont vu trop tard. Je suis passé. Et je me levai en plaquant contre le mur. Un bout de corde, terminé par un gros nœud, pendait au-dessus de la serrure. Le loquet. J'allongeai le bras et tirai. La porte céda. Elle n'était pas fermée à clé. C'était peut-être un piège. Je dégoupillai une grenade, poussai la porte avec toutes mes forces et lançai la nana. Le feu se calma. Les fusils mitrailleurs de Ritter et d'Otto ont eu raison de leurs adversaires. Des copains me rejoignirent, pénétrèrent dans la maison. Il n'y avait que 2 pièces, un rez-de-chaussée et un étage, sans aucune communication avec les autres appartements. Tout le monde se transforma en terrassiers démolisseurs et on démolit les cloisons. Le jour commençait à poindre lorsque le premier pan de maison était complètement à notre pouvoir. Nous essayâmes de sortir dans la rue, mais ce fut impossible, car quelques armes automatiques, bien placées, nous en empêchèrent. Accompagné par une dizaine de copains, je ressortis par où j'étais rentré et nous fîmes le tour du pâté de maison. Nous nous retrouvâmes sur une petite place, d'où partait une rue. Un côté est à nous, l'autre côté est encore aux mains des phalangistes. La rue conduit au pied du château. Tout le village paraît abandonné. Pas un coup de feu ne salue notre arrivée sur la place. Un de nous partit en courant. Une rafale de balles le coucha raide. Un autre prit le relais, à son tour il tomba. La traversée s'avérait dangereuse. Scolari prit un fusil de la main d'un camarade et disparut dans la maison d'à côté. Jacques, le cinéaste, me fit signe de le suivre. Je fis le tour de la place, longeant les murs. Arrivés à hauteur de la rue, nous partîmes en courant. Un coup de feu. Nous étions passés. Nous nous engouffrâmes dans un immeuble, grimpâmes les escaliers jusqu'au comble, et de là sur les toits. Cassant pas mal de tuiles, nous arrivâmes sans anicroche au clocher. Jacques sortit un drapeau noir et rouge, et le fixa au sommet du clocher. Nous avions réussi. Surpris que personne ne nous tire dessus, nous redescendîmes calmement dans l'église déserte. Après nous être assurés que personne n'y était caché, nous descendîmes au sous-sol. Mais là, une surprise nous attendait. 3 soldats cachés nous attendaient derrière une statue de marbre. Ils sortirent de leur cachette, les bras en l'air. Par eux, nous apprîmes que toute la garnison avait reçu l'ordre de se replier dans le château et que la population y était aussi, depuis le commencement du siège, retenue dans les caves de la forteresse. Après avoir remis les prisonniers volontaires à notre PC, je partis fouiller systématiquement toutes les maisons du village. Toutes avaient l'aspect d'habitations abandonnées à la hâte. Armoire ouverte, lit défait, linge traînant par terre. Une seule chose avait été faite méticuleusement, la rafle de ce qui était comestible. Pas un morceau de pain. Dans les greniers, pas une poignée de graines. Je ne parle pas des poules et des lapins, car eux aussi brillaient par leur absence. Seuls les morts témoignaient que le village n'avait pas été abandonné depuis longtemps. Le sang versé n'était pas encore sec. Je m'en souviens car ayant mis le pied sur une de ces flaques, j'ai glissé. Et je me suis affalé contre une petite porte basse, que je n'avais pas vue auparavant, et qui donnait accès à un escalier descendant la cave. La première chose que je vis fut un jambon, pendu à la poutre maîtresse. Sortir mon poignard, couper et mordre à pleines dents dans le morceau, fut plus vite fait que dit. Lorsque je fus rassasié, je fis l'inventaire. Il y avait plusieurs jambons, et un baril ou deux de vin. Je décrochai deux jambons, je remplis ma gourde, et je sortis de la maison pour être accueilli par les cris de joie de mes camarades, surpris par une telle aubaine. Ce jour-là, on goûta comme des capitalistes. Jambon nature, arrosé d'un petit vin du terroir qui ne demandait qu'à se laisser boire. L'occupation du village terminée, nous nous étions tous rassemblés autour du château. Après avoir exhorté la garnison à se rendre pour éviter une inutile effusion de sang, avec pour seule réponse une rafale de balles, Otto, fatigué d'attendre, se découvrit en essayant d'aller poser une grenade sous le portail pour le faire sauter. Nous le vîmes s'arrêter net et tomber. Scolari et un autre s'élancèrent pour aller le chercher. Pour les couvrir, nous déclenchâmes un feu d'enfer. Toutes nos armes crachèrent la mort. Scolari et son copain traînèrent le corps à l'abri. J'étais trop loin pour aller voir moi-même. Quelqu'un vint me dire qu'il était mort. Une balle en plein cœur. Un peu plus tard, les unités de ligne vinrent nous relever. On a tué Otto! Otto est mort! La perte de mon ami effaçait la joie de la victoire. Avec Scolari, Mario et Ritter, j'accompagnais les brancardiers qui allaient chercher Otto. Nous voulions voir pour la dernière fois la dépouille de celui qui avait été notre compagnon. Il était là, au bas de l'escalier, où Scolari l'avait laissé, couché sur le dos, les bras allongés comme dans un garde-à-vous horizontal. Mais ses yeux, grands ouverts, bougeaient et nous regardaient. Nous nous précipitâmes sur lui. Un brancardier défit son blouson, sa chemise pour examiner sa blessure. Pas une goutte de sang. Seulement sous le sein gauche, un bleu. Un hématome grand comme une pièce d'un douro. C'était tout ce qu'il avait. Il était resté environ 2 heures évanoui. Lorsque nous arrivâmes, il commençait à reprendre pied, dans ce monde que nous croyions qu'il avait quitté pour toujours. Mystère de la balistique, balle défectueuse, loi impénétrable du destin. Ces questions, je ne me les supposais que plus tard, en 44, lorsque j'appris sa mort dans les environs de Limoges, où il se battait dans les rangs de la résistance. La seule chose importante sur le moment était que mon ami allemand vivait encore, qu'il pourrait continuer à jouer de l'harmonica, pour notre plus grand plaisir, en accompagnant les chants de Mario, Ritter ou Garcia. Deux bonnes gorgées de cognac, généreusement offertes par les brancardiers, le remirent presque d'aplomb. Encore un peu faible, il se leva, en s'appuyant sur nous, et demanda « Ils se sont rendus ?» Ce furent les premières paroles qu'il prononça. La balle qu'il avait frappée, après avoir cassé une paire de lunettes, était logée dans le portefeuille et y était restée. Il y avait dans le village 3 voitures abandonnées. Nous en prîmes une, et nous partîmes tous les 5 faire une balade autour du château. Nous rions, chantions, gueulions comme des gosses à qui on avait donné congé, ou qui font l'école buissonnière. Un seul d'entre nous savait conduire, Ritter. Il prit le volant, mais au bout de quelques minutes, un autre veut essayer de conduire. Nous étions tous plutôt gais. À tour de rôle, nous prenions le volant. Quand ce fut mon tour, la voiture qui, avec les autres conducteurs, avait été presque docile, commença à faire l'ivrogne. Elle allait de droite à gauche et nous rions comme des fous. À la fin, fâchée peut-être de ne pas arriver à nous faire peur, elle prit subitement la décision de quitter les sentiers battus et se coucha dans le fossé qui bordait la route. Nous rentrâmes à pied. Une surprise nous attendait au PC. Aznar, un des soldats que nous avions trouvé dans la crypte de l'église, avait prouvé qu'il avait, avant de partir au service, militer dans une organisation ouvrière, et on lui avait accordé le droit de rester avec nous. En mangeant, il nous dit que tous les habitants du village étaient enfermés dans les souterrains du château, que les hommes en état de porter les armes avaient été enrôlés et participaient à la défense de la place. Il était un des serveurs de la mitrailleuse, posté sur la gauche du point où j'avais traversé la route. Il nous révéla que j'avais dû mon succès à la conviction du mitrailleur, que ne s'agissant que d'une patrouille, et une fois Afinengi abattu, personne n'oserait, pour cette nuit-là, s'aventurer sur la route. Lorsqu'il reprit sa place, j'étais déjà passé, et nos fusils mitrailleurs étaient entrés en action. Cette nuit-là, nous nous couchâmes très tard. Mario chanta de vieilles chansons napolitaines, Ritter des Tyroliennes, un copain espagnol récita des poèmes de Federico Garcia Lorca, accompagné par l'harmonica de Otto. Je n'ai jamais su dire comment la garnison assiégée put nous fausser compagnie. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'au petit jour, le portail s'était ouvert et que les femmes, les enfants, les anciens du village en sortirent, tremblant de peur. Le même soir, nous quittâmes pour toujours Siete à moi, pour aller prendre nos postes à une dizaine de kilomètres de là, à Loporzano. Ce village ne fut pour moi qu'une escale de quelques heures. Ça ne vaudrait pas la peine de le mentionner si, après une nuit de sommeil, je ne m'étais réveillé avec une légère douleur à la mâchoire. C'était la première fois que j'avais mal aux dents. Avec une logique toute militaire, après nous avoir fait remonter à 10 km au nord de Sietamo, on me donna l'ordre de convoyer un camion d'armes et de munitions vers le sud. On devait rejoindre Farlette par des chemins qui longeaient la Sierra d'Alcubierre, évitant le plus possible les villes et les villages occupés par les formations du Poum ou du Psouk, qui auraient pu nous réquisitionner le camion. Aznar, notre nouvelle recrue, tenait le volant tout en parlant de la vie des assiégés et en me disant pour la dixième fois comment pendant 10 jours ils avaient écouté le moindre bruit nocturne. Comment, persuadés que nous voulions les prendre par la faim, ils avaient relâché la surveillance et qu'après le passage des patrouilles, ils jouaient aux cartes, me permettant à moi de passer. Après avoir tiré sur Afinengi, ils étaient sûrs que comme les nuits précédentes, nous irions nous coucher en emportant notre blessé. À quelques kilomètres au sud de Sietamo, nous fûmes interceptés par un groupe de francs-tireurs qui nous obligèrent à quitter les chemins carrossables et à filer à travers champs. Les deux copains qui se trouvaient à l'arrière furent blessés pendant la fusillade. Grâce à leur courage et au sang-froid d'Aznar, on parvint à les semer. Mais dans notre fuite, on se perdit. Ne connaissant pas la région, nous fûmes obligés de rouler un peu à l'aveuglette, cap au sud-est. Un clocher se pointait à l'horizon lorsque le moteur commença à crochoter. Et Aznar a juré comme un charretier. Me cago en Dios y en su puta madre, hijos de puta de todos los santos. Et le camion s'arrêta. Nous étions en panne d'essence. Les deux copains blessés, ils n'étaient que légèrement, et Aznar me demandèrent d'aller chercher du secours. J'étais selon eux le meilleur marcheur. Aznar devait rester pour piéger le camion et le faire sauter en cas de danger. Une heure après, j'arrivais à Sariñena. Cette petite ville était un fief du Poum. Ses milices s'étaient organisées selon le modèle classique de toutes les armées du monde. La hiérarchie régnait sans discussion. Arrivé au QG, je m'adressais au planton, qui me renvoyait au caporal, celui-ci au sergent, et ainsi de suite, jusqu'au capitaine, qui me fait rentrer dans une grande pièce en me disant d'attendre. L'officier qui commandait la place était en conférence, et le capitaine n'était pas habilité pour détacher des hommes avec une voiture pour transporter l'essence nécessaire. Mon mal aux dents avait repris de plus belle. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait des aiguilles, à coups de marteau, dans le crâne. Combien de temps avais-je marché en long et en large dans cette pièce? Je ne l'ai jamais su. Je me souviens d'avoir enfoncé d'un coup de tête une porte et de m'être retrouvé dans la salle de conférence. Une douzaine de personnes, assises autour d'une longue table, se dressèrent, surprises par mon intrusion. Je leur criais qu'il me fallait de l'essence pour dépanner le camion et que je voulais parler au commandant de la place. On m'entoura, me demanda qui j'étais, d'où je venais. La douleur s'était calmée comme par enchantement. Des ordres fusèrent. J'enfourchai une moto et le motard qui conduisait fonça à travers champs, suivi par une petite voiture chargée de bidons. Le soir même, nous couchâmes à Sariñena et je perdais ma première molaire. Notre succès à Sietamo était bien peu de choses dans la poursuite de la guerre. Les nouvelles étaient mauvaises. Durruti était parti pour Madrid, investi par les divisions de Franco. Celui-ci avait pris la tête à la mort du général Mola et à celle de Sanjurjo. À Séville, Queipo de Llano dirigeait l'offensive contre Malaga. Dans le nord, Asturies et Pays Basque, les combats continuaient. À Pina, je devais apprendre que Gori avait été assassiné par les communistes, à Madrid, devant la cité universitaire. On m'avait déjà dit qu'il était mort, mais je n'avais pas voulu le croire. Car tant de fois depuis que je le connaissais, je l'avais cru disparu à jamais. Cette fois, c'était pour de bon. Les communistes ne l'avaient pas raté. Anthana l'avait remplacé, à la tête de la colonne, que l'on commençait à appeler division, tout comme les centuries qui s'étaient transformées en compagnie. Pendant les premières semaines, nous sillonnâmes le front d'Aragon, de la Sierra d'Alcubierre à Velilla de Ebro. Patrouilles de reconnaissance, coups de main, alternèrent avec des séjours à Pina, où j'avais repris mes quartiers chez la tia Pasquale, toujours heureuse de me recevoir, comme un enfant prodigue à chacun de mes retours. Madeleine était revenue de Barcelone. Son compagnon, toujours hospitalisé, se remettait lentement de ses blessures. Elle se languissait de moi. Selon elle, ses compatriotes n'arrivaient pas à la satisfaire. Malheureusement pour elle, à Pina, je couchais chez la madre. Et elle, dans une autre famille. Et il nous était presque impossible de nous rencontrer seuls, assez longtemps pour assouvir sa faim. Alors elle se vengeait, en ne me quittant pas d'une semelle pendant toute la durée de mes séjours dans le secteur. Partout où j'allais, elle me suivait. J'étais souvent avec Tarzan, et nous donnions, Madeleine et moi, l'impression d'un ménage en train de promener l'animal familier. Les nouvelles qu'elle apportait de la capitale catalane étaient décevantes. La lutte pour les conquêtes du pouvoir entre les différentes factions du camp républicain continuait. La CNT faisait partie du gouvernement, avec García Oliver et Federica Montseny. Cette participation à un gouvernement, fut-il de coalition, était pour moi une trahison. La preuve que nous n'étions pas encore assez clairvoyants pour comprendre que nous ne devions pas accepter les méthodes de direction des partis politiques et nous asseoir à leur table. Mais nous devions, tout en apportant notre collaboration à l'effort de guerre, rester indépendants sur le plan social pour pouvoir refuser toute loi ou toute réforme du système qui aurait été contre les libertés essentielles des masses productrices. La réorganisation de la colonne en bataillon, compagnie, etc. marchait bon train. En grinçant des dents, les copains acceptaient d'être encadrés par des officiers qui étaient presque toujours choisis par la troupe ou par le syndicat. C'est dans le groupe international que cette transformation fut le plus mal reçue. Au point que de Barcelone, on nous dépêcha une commission de militants pour nous convaincre d'accepter, au moins en apparence et sur le papier, ce nouvel état des choses. Maria Ascaso faisait partie de la commission. Elle vint me voir, à Velilla de Ebro, pour me remettre une cartouche de cigarette française et me reprocher de ne pas avoir été à la réunion qui avait eu lieu au PC de la division. Laquelle visait à nous persuader de nous plier, au moins en apparence, aux exigences de la nouvelle structuration des forces armées républicaines. Je me souviens que nous passâmes tout un après-midi à discuter. Elle, pour me prouver la nécessité que nous avions de rassurer les nations démocratiques, comme la France et l'Angleterre, en leur faisant croire que nous défendions la République, et que nous avions une armée forte et disciplinée, prête à défendre la forme de société en vigueur sur leur territoire. Et moi, pour essayer de lui faire comprendre que nous étions un groupe de francs-tireurs, avec nos propres règlements, et que nous avions plus d'efficacité en restant en dehors de l'armée. J'arrivais à la persuader que j'avais raison. Mais ma victoire fut de courte durée. La majorité des composants du groupe se rallièrent aux suggestions de la commission de propagande, qui rentra à Barcelone, fière de la mission accomplie. Le seul résultat tangible de la militarisation fut que presque tous les Allemands, une bonne partie des Français et des Italiens nous quittèrent pour aller grossir les rangs des brigades à Albacete. L'assassinat de Durruti avait sérieusement ébranlé mon ardeur à la combativité. Avec mes amis scolari, Joa, Otto, Mario et Ritter, nous formions un petit noyau réfractaire à la militarisation et à la discipline en découlant. Pablo savait qu'il pouvait compter sur nous en cas de coup dur, à condition de ne pas nous demander d'accomplir des choses que nous avions toujours refusé de faire, même au prix de notre liberté ou de notre bien-être matériel. Nous étions presque tous des insoumis ou des déserteurs. L'exode des copains vers les brigades internationales avait réduit les effectifs de près de la moitié. Pablo décida de m'envoyer à Barcelone pour recruter. Italiens, Français et autres qui se trouvaient dans la capitale catalane. Des volontaires pour grossir nos rangs. Jua, Ritter et Otto m'accompagnaient. Du fait des résistances qu'il suscite, le décret sur la militarisation ne sera pas mis en application en Aragon avant mars 37. Mais auparavant, une grave crise éclate entre l'organisation sénétiste et une partie de sa base. Dans la colonne de Ruti, où le moral est au plus bas, plusieurs groupements des secteurs de Pina et de Khelsa, dont 76 membres du groupe international, rédige en janvier 37 une affiche énonçant ce qui suit. Notre haute conception de la responsabilité s'avère incompatible avec la mentalité militaire, qui fatalement débouchera sur une dictature. Nous acceptons la technique et la stratégie militaire, mais pas la militarisation. Le texte est suivi de propositions concrètes, dont un code militaire alternatif rédigé par les volontaires allemands. Mais la CNT reste inflexible, et en plusieurs endroits du front, selon des témoignages, les unités qui refusent la militarisation se voient calomniées, taxées d'indiscipline, et leur ravitaillement coupé. En outre, les centuries déjà militarisées ne sont pas mieux armées que d'habitude, contrairement aux promesses faites. Tandis que les brigades communistes et les gardes d'assaut en ville affichent leurs uniformes et des fusils flambant neufs. Le 5 février à Valence, la colonne de fer convoque un plénum national des colonnes anarchistes en présence des dirigeants nationaux des comités de la CNT, de la FAI et des jeunesses libertaires. Des miliciens les critiquent durement et leur envoient notamment l'accusation d'indiscipline, puisque les comités n'en font qu'à leur tête et ne consultent pas les combattants. Le ton monte et certains vont jusqu'à remettre en cause toute l'autorité des organismes nationaux de la CNT. Cette dernière ne veut toujours rien céder, et la militarisation finit par être acceptée. Mais la crise à la base continue, et à Khelsa, la résistance devient mutinerie, selon le rapport de Manzan a présenté à la réunion de la CNT du 12 février à Barcelone. Certains responsables prennent en compte les protestations des combattants, mais d'autres proposent carrément d'aller réduire les butins à coups de mitrailleuse. Alors la réunion devient tendue. Un chef de colonne se lève et s'exclame. Il faut quitter le gouvernement, ramener de gré ou de force nos ministres à Barcelone et lancer un manifeste dénonçant ce gouvernement qui préfère livrer le peuple aux fascistes plutôt qu'à la vraie révolution. Mais cet éclat n'eut pas de suite. Complètement isolée, la colonne de fer se dissout le 21 mars et beaucoup de miliciens quittent le front, rentrent à Valence ou à Barcelone où s'intègre à la nouvelle 83e brigade. Dans la colonne d'Urruti, 600 combattants démissionnent, dont 49 du groupe international. Beaucoup d'Allemands et d'Italiens, qui ne peuvent rentrer dans leur pays, finissent par être intégrés, que cela leur plaise ou non, dans les brigades internationales. Beaucoup partent aussi dans des écoles d'instruction militaire à Barcelone ou Albacete, comme Lorenzo Giua, qui ne reviendra pas à Pina, et s'enrôlera dans la brigade Garibaldi. Rares sont les miliciens qui, comme Jiménez et ses copains les plus proches, restent en Aragon comme francs-tireurs. Ce sera tout un art pour eux d'échapper à l'intégration dans les brigades. Quand la colonne d'Urruti devient la 26e division, on peut considérer l'expérience du groupe international comme quasiment terminée. Une compagnie internationale dite de choc de 120 hommes le remplace. En avril 37, dans le secteur de Tardienta, au cours de la bataille de Santa Quiteria, la compagnie se distingue par son grand courage et sa combativité, selon la langue de bois des propagandistes de la CNT. En fait, elle a perdu 50% de ses hommes, car l'infanterie anarchiste n'a pas été soutenue, comme prévu, par l'aviation aux mains des communistes. Ce sabotage va provoquer de nouvelles désertions de miliciens aux grandes dames du comité régional de la CNT de Barcelone. Jiménez est envoyé par Pablo Bagliasindi à Barcelone parce que la compagnie doit être réorganisée, mais aussi pour recruter des combattants à cause de cette hécatombe.